Donc, comme je disais, tout le monde s'avance à la sortie. T'as trouvé la musique, si tu veux. Dérange pas. Tout le monde se ramasse à la sortie du arc. Okay. C'est vraiment épique, genre tout le monde du arc est là. Genre, all 200 mutants. Genre, ils sont genre en file de chaque bord, puis vous marchez entre là, puis c'est comme. Puis genre une musique, genre la musique de Gladiator qui joue pendant que vous marchez. 190 mutants. Merci. 196. Quand les autres sont partis. Non, 195. Il y a l'autre groupe qui est parti aussi. Right. 190, t'as bien parfaitement raison. Quand l'autre groupe est parti, il n'y a rien eu. Non, c'est ça. Pas de doute, guys. Fait que, pis là, tu sais, pis y a quelqu'un d'autre qui s'est joint à votre expédition, qui s'appelle Braxton. Vous avez toutes aucune idée d'où est-ce qu'il sort. T'sais, vous l'avez déjà vu, mais vous êtes pas trop certain. Mais il me suit. Il est comme, il est avec Bertrand, tu sais, pis ça a l'air d'être le buddy à Bertrand. C'est l'ami à Bertrand, probablement. Il looks like a really cool guy. Tu sais. Tu connais son nom? Braxton, ouais, tu connais son nom. Oh, ouais, Braxton. Oh, you're coming alone, Braxton. He's comme, yeah, I was told you needed some help. You needed my help. So, yeah. C'est quoi qu'il fait de lui dans la vie? C'est un overall mutant, là. Il y a pas. Okay. He's just some. He's some guy. Ok. Vous savez pas, j'allais découvrir. En fait, je vais le cacher. What's your trade? Je vais prendre tout de suite un. Tiens. J'avais prévu ça. Je m'étais comme préparé genre des random generated NPCs. Alright, on va faire ça. You randomly created NPC are named Braxton. Ça là. Super, parfait. Ok. Donc vous êtes en train de vous préparer à partir du arc et la première personne qui vous approche avant de partir, c'est Maximin, avec genre son coat d'amiral qu'il a trouvé dans une des cabines du aircraft carrier, parce qu'il veut que tout le monde l'appelle The Captain. Pas Maximin, Captain. Parce qu'il a comme un coat de capitaine, puis un coat, un uniforme militaire. He comes to see, he just stops you to wish you good luck. He's sure you're gonna make it. And he says that when you find the filters at the pure plant, make sure that when you come back, you give him the filters. So he can fix everything and make sure everything is okay. That's what Maximin wants. Après ça, vous avez les Chroniclers, qui sont comme ceux qui s'occupent du Elder. Vous avez Astrina et Davin. Ce sont deux Chroniclers qui viennent vous voir. Puis que. We really hope everything goes good. We wish you good luck. Godspeed, and when you find the filters, you should be really careful with who you give them to. We think Pontiacs, the guy comme qui s'occupe d'entretenir le système de filtration. We think you should just when you come back, be very discreet. Be careful who you talk to. When you come back with the filters, if you have them, just ignore everyone. Go to Pontiac straight away and give him the filter so he can fix the water system. Fait que dans le fond, les Chroniclers, ils veulent que vous soyez discret. Mettons. And the last person who comes to see you before you leave it is Sixter, which is the second in command of the rule. C'est le bras droit de Maximin qui fait. Alright, this is just between you and me, guys. But. Let me guess, you won the fucking filter. you don't have. I'm not asking you to give them to me. I would never ask you to give me something. I do not want gifts. Gifts are not how this place works, you know? However, those filters are worth so many bullets. And Now that Melix has been removed from the market, now that Melix is down in the lower decks, I've come into possession of quite a substantial amount of bullets. I will buy those filters from you. So if when you come back with the filters, I will happily buy them off of you. Puis ça, c'est les offres que vous avez en partant. Combien Non, il dit pas rien. That's, okay, he will buy them. Okay. For plot amount of bullets. Okay. Fait que, en partant, vous avez Maximum qui veut les filters. Astrina et Davin qui vous disent de les donner à la communauté. Puis Sixter qui est théoriquement le bras droit de Maximum qui vous offre de les acheter. Ça, c'est ce que vous allez avoir à dealer quand vous revenez. Ou vous pouvez faire ce que vous voulez. Sixter. Alright. Donc, zone travel. C'est quoi le j'ai l'impression que Max Cousteau avait l'air de savoir où est-ce que vous vouliez aller. Ouais. C'est quoi votre patte? On est ici. Ouais. On va aller en diagonale, droit là, passer entre les montagnes. Ok. Vous allez passer le Deadlands. C'est quoi ton plan? Où est-ce que c'est toi qui amène l'expédition? C'est quoi le chemin que tu prends? De faire ça. Ouais. Puis d'aller en ligne droite. En ligne droite? Alright. But in the zone, you should never go take a straight road. La seconde qu'on met le pied dans la zone là, à côté. Mm-hmm. Nice catch. Very nice catch. Quoi ça? Il a tapé son verre. Le tip son verre puis il l'a rattrapé avant que le verre renverse. Fait. Je vais faire find the path. C'est pour ça que tu t'es interrompu si rapidement. Mm-hmm. Je comprends. Donc, find the path, c'est à chaque fois que tu rentres dans un nouveau secteur. Mm-hmm. Fait que là, je vais juste sortir ma feuille pour le find the path. J'ai mon talent, il upgrade mon find the path. Oui et non. Il upgrade ton find the path, c'est vrai. Mais, habituellement, find the path, comment ça fonctionne, c'est que ça te permet de trouver les threats. Okay. Dans les secteurs. Okay. Automatiquement. Toi, ta force, c'est de trouver les artefacts dans le secteur. Pas nécessairement le threat. Fait que là, on rentre dans un nouveau secteur. Fait que roule-nous, find the path. Ça, qu'est-ce qu'ils disent ici, c'est que quand je success, je find le safe path puis je spot les threats. Ouais. Puis après ça, avec mes stones, je peux trouver les artefacts. Sauf que ton talent, c'est scavenger. Ton talent, il switch. Il donne plus 2. Ouais, il donne plus 2. Which is awesome. Okay. Sauf qu'il switch threat puis artefact. Ok, ouais. Donc, tu vas trouver du gear beaucoup plus facilement. Ok. Mais ça va te prendre des stones. Ça va pour te prendre trouver des les pour les trouver threats. Les threats. Ah, c'est fine. Ok. Gear over threats. Ok, juste avant que vous partiez du arc. Vers quel moment de la journée est-ce que vous partez? Le matin! Le matin, genre comme le soleil se lève, vous partez direct. Ouais, peut-être même un peu avant. Ok, c'est bon. Fait que vous partez genre comme à l'aube. Ah, l'aube. Ok, parfait. Le soleil se lève derrière le pont-levis. C'est beaucoup bon. Beaucoup de sang coulé cette nuit. Est-ce que la nuit est rouge? Je sais pas. Est-ce qu'il y avait ça en bas? Non, excuse-moi. Ouais. Okay. Je roule ça? Ouais. Find the path. Fait que je roule avec mon scavenger bonus aussi. Ouais. Ok, bon, fait. Ça, 5 pour. Non, c'est 8, je pense, find the path. Fait que j'ai pas écrit la stat, ce qui vient. Je pense que c'est agility. C'est agility. Ok. Shit, c'est encore mieux, juste agile. Ok, fait que 5D pour ma stat. Ensuite, les jaunes sont là. 3 des jaunes. Parfait, j'en aurai besoin d'un plus. 3 des jaunes pour Find the Path, puis 2 pour Scavenger. Ok. Ouais. That's a lot of dice. Throw that shit. How many ones? Wow. Ok. J'ai 0-1, man, je pourrais me push. Bien sûr. Push. Je sais pas si c'est une zone. On clear la zone. Il y a peut-être plein de shit. Shit! De no plus, pis no ones. And you didn't sprain your ankle. Tu pourrais-tu me donner c'est quoi les coordonnées du secteur, juste pour être sûr? Les coordonnées ouais. du secteur. Où est-ce qu'on s'en va? Parce qu'on ouais, on va en diagonale là. Ouais. Fait que c'est 16 et. Pardon, le micro. K. 16 cas. Okay. Cas 16. Ok. On parlait d'étiquette de micro. Fait que là, dans le fond, t'as un succès que t'enlèves complètement parce que ça, c'est t'explores le secteur, tu trouves s'il y a quelque chose. Ok. Il m'en reste 6 après. Alright. Tu veux les dépenser pour quoi? Si tu regardes dans la section stunts de ton skill, t'as tout ça pour quoi tu peux les dépenser. Ok, for every extra roll, you get to choose one stunt. Ok. Est-ce que je trouve des artefacts? Oui, il va en avoir. Ok, mais ça arrive plus tard. Comme tu as dit, par le roi. Ok, ça on veut pas ça. Oh! Ok, ça peut-être pas ça. Ok, je choisis avec un de mes dés, the exploration of the sector only takes half the time. Ok, ça va prendre 2 heures au lieu de 4. Ok. Ok, ouais, ils sont tous là. Avec un autre de mes dés, je vais utiliser you find D6 rations of rot free water. Ok. Brasse ça dessus. One. Ok. Find D6 bullet, still live. Ok. Avec un autre utilisé. Still alive, sorry. 2 bullets. Ok. 2 bullets, 1 water. Ok. Il m'en reste 3. Ouais, y a pas. J'ai plus de succès que d'options, genre. Fait que j'ai utilisé. You can assess the general level of rot in the sector. Ok, il m'en reste 2. Je te dirais peut-être trouver le threat dans le sector. Ah, c'est vrai, j'ai oublié, parce que la dose, ça vient tout seul avec, genre. Ok. Mais là, j'ai l'artefact gratos, par contre. Ouais. Ça, ben, dans le fond, il y a ça. Ok. Fait que j'assesse le threat, of course. Ouais. Les mauvaises. On a pas terminé. Puis, peux-tu, genre, sense the safest route? C'est fait. Ok, le premier geste. Il y a une autre option aussi, c'est genre you rush through the sector in a quarter of the time it would take to explore it. Mais, puis on avoid all threats, ça peut être fucking good. Mais le secteur il compte pas comme étant exploré, puis on trouve nothing. No artifacts, no grub, no water. Vous pourriez rusher à travers. Fait que si à un moment donné, on est dans le trouble, on peut faire ça. Mais regarde, si tu veux, tu peux. Peux-tu l'investir dans soit threat, mettre 2 succès sur threat ou 2 succès sur artefact ou peut-être rejeter un autre dé de... C'est quoi? Ouais, oui, je vais te donner pour le threat. Parce que d'habitude, quand tu rencontres des threats, c'est la première fois que tu rencontres ce threat-là, faut que tu l'identifies. Avec comprehend? Avec know the zone, mais là, je vais utiliser ton succès de find the path pour ça. Ok. Moi, je peux faire le jeu de know the zone après. Là. Ouais, j'en ai un bon, moi, avec. Je pense que je pitch ça. Mais tu veux-tu, dans le fond, c'est que je t'offre de bypasser ça puis comme d'acheter le succès tout de suite. Parfait, j'achète. Alright, perfect. So, you travel for about an hour or so, and Cousteau takes you through the zone. Tu sais, c'est genre il y a comme des vieilles rues brisées, il y a genre des carcasses de ancient vehicles. Sweet. Qui ont plus de roues. There are signs everywhere in languages you cannot read. Avec genre des hiéroglyphes, là, il y a genre comme. Il y a comme une espèce de shape humanoïde avec genre une barre à travers là où il y a genre comme une espèce de carré avec des ronds sur les côtés puis il est marqué comme des chiffres en dessous là puis c'est comme couvert avec un banc. Ouais, je viens de décrire. C'est quoi? C'est un abribus. Juste mettre ça de côté, c'est pas joli. So after some time, Cousteau takes you to a place that he knows. He's seen it. He's never been there inside, but he knows of it. It's a place. À l'avant, il y a une espèce de gros symbole d'un animal mythique que vous avez jamais vu. Vous avez entendu une légende de cet animal-là. C'est une espèce de gros animal avec genre des espèces de grosses cornes, un peu comme Bertrand avec plein de bras, mais c'est genre sur sa tête. Okay. Comme des grosses cornes. Puis avec le museau comme rond et long. Mousse. Puis Puis en dessous, il y a comme There's a language of the ancient. Avec un. Il y a comme plein de lettres ensemble. Puis c'était clairement comme une place probablement de pèlerinage pour les anciens où est-ce qu'il allait pour comme vénérer les animaux mythiques et pouvoir comme prier pour avoir. Communion. Les, pour rentrer en communion, oui, avec les animaux mythiques pour avoir les, l'équipement pour pouvoir comme chasser les animaux mythiques. Survivre au waste. Fait que vous rentrez dans le hunting store. Puis. J'ai eu la présentation. It's a decade hunting store, mais comme vous avez aucun concept de c'est quoi. So you get in there, parce que Max Christo est comme, je sais qu'il y a du stock ici. Ici, il y a du. There's stuff. Au fond, derrière, comme la vitre brisée, pis des comptoirs, pis ça, il y a une couple de lockers qui sont brisés. Puis Cousteau sait que dans un des lockers, parce qu'il est encore verrouillé, there's clearly stuff. Parce qu'il est déjà allé là, comme passer une nuit, puis genre faire un petit feu de camp. J'essaie de l'ouvrir, mais je passais pas. Mais il était pas capable. But I got marled. He knows there's stuff. And. Puis il sait que. I'm back, locker. Il y a une cour arrière à cette place-là. Okay. Qui était une place où les anciens se pratiquaient. Shooting range. Pour, ouais, bien sûr. Puis, à cette place-là, il y a un arbre qui a poussé en plein milieu. Puis, contre l'arbre, mais ça, c'est une chose que Cousteau a jamais osé faire. Parce que contre l'arbre, attaché après l'arbre avec une chaîne, il y a one of the vehicles of the ancients. Une bicyclette. It's dangerous. Watch out. Puis, après la bicyclette, il y a comme des vieux comme saddlebags toutes moisies qui ont été genre mangées par comme le weather, mais il y a des sacoches sur les côtés comme. Il y a un bicycle avec des sacoches, mais qui est comme attaché après un arbre en plein milieu du range. Puis la raison pourquoi Cousteau est jamais allé, parce qu'on sait que tout le monde que Cousteau est courageux. The fearless Cousteau. Cousteau va tout faire pour son fellow mutant, unless they're useless. Then they can die. La raison pour laquelle il n'y avait pas de ça, c'est parce que. Puis là, vous êtes tous comme ensemble, genre dans le cadre de porte, genre à la Scooby-Doo style, genre chacun une tête comme un en dessous de l'autre. Puis Braxton, c'est le dernier en bas. Braxton, c'est le dernier. Vous regardez, puis there's a gun range. And in the gun range, it looks like a giant soap bubble. C'est comme une grosse bulle de savon qui est comme transparente, c'est comme un gros ballon. C'est about this big. Yeah. Qui est comme sur le dessus de l'arbre. Il y en a quelques-unes, puis. Si vous les regardez longtemps, vous pouvez voir que comme. Ça pulse un peu. Oh my god. Puis ça inspire. Ça a l'air d'inspirer puis d'expirer. And it's just there and it's chilling. That's some stalker shit, right? Puis l'affaire, c'est que. You've never seen those. You three guys have never seen anything like that in your life. But Cousteau knows what the fuck is up. Cousteau goes, those are air jellies. That's what we call them around the campfire. Air jellies. Those are Chinese boys. C'est des. They're about this big, I would say, actually. There's four of them. Puis c'est comme. Ça ressemble à des jellyfish, mais qui font juste flotter dans l'air. Yeah, est-ce que je sais c'est quoi leur purpose? Puis là, ça va me prendre une autre zone si tu veux faire ça. Ok, je vais essayer ça aussi. C'est un ou l'autre. Quelqu'un mourir. Non, je l'ai pas déjà acheté. Non, mais you know what they are. You know they're dangerous. Ah, c'est vrai, c'est ça que you know they will attack you. You do know they are sleeping okay. Right now. Et là, faut que je fasse le dé pour faire genre, how does it hurt me? Ouais, sauf que là, si tu veux plus d'informations, puis c'est one and done. Which means c'est soit toi ou Max qui le fait. Ok. Max, t'en pitches combien? Moi avec, c'est la même chose. Tu sens-tu lucky? Ouais, ok. Je me sens pas lucky. Je viens d'épuiser ma luck. C'est bon, j'en ai un. Ça, c'est un 1 ici aussi. Mais j'ai pas push. Qu'est-ce que tu veux j'ai savoir? C'est quoi ta question? Il y en a juste deux, je pense. Ouais. How can it hurt me? How can I hurt it? How can it hurt us? Tu sais que d'habitude, ça fait pas. Ça... T'as déjà été genre stung par un air jelly quand t'étais genre un mini mutant, okay. Un mini plant. T'étais, ouais. T'étais un potted plant. Quand t'étais un sproutling. Yeah. Un petit sapling. Ils vont pas t'attaquer. Ils t'attaquent pas toi, mais ils sont super corrosifs. Fait qu'ils feront pas du dommage à toi, mais ils vont dégrader ton gear. Oh, ok. They're gonna eat your gear. Fait que je vais juste trip naked, pis. Voilà. Ça a l'air du yellow, du rough, ou quelque chose. Ah oui, là, t'avais aussi fait la barre pour savoir. Pis, le... C'est quoi, les autres, ils nous empêchent d'aller chercher le gear sont, sur le. Ça tombe qu'ils sont genre. Près de, sont comme sur genre, l'arbre, ils sont comme en train de dormir. Oh my god. Fait qu'il faut pas qu'il pop pendant que t'es en dessous, I guess. Fait qu'il y a ça, tu sais que dans le locker qui est barré, il y a du water pis il y a des bullets. Ça, et... je dis ça à Merle tout de suite. Parce qu'il est sûrement assez fort. Je peux et... lui passer ma machette pour faire un le... dévier. J'ai ma hache. Ah ouais, c'est encore bien. Le niveau de rot pour ce secteur-là au complet, le rot ça va de 0 à 3. Uh-huh. Le niveau de rot en ce moment c'est. Non, mais je l'écris, c'est bon. Le niveau de rot, c'est 1. Ça veut dire que c'est weak rot. In okay. these sectors, you get 1 rot point per day. Ah, c'est faire un passe 2 heures. Si vous restez pas longtemps, vous êtes correct. Good. Donc. Ça, fait que le bag, ça, c'est l'artefact. Le bag, puis il y a des bags après. Il y a des bags aussi. Hein? Puis le locker. OK. Fait que, how do we deal with this situation, guys? Vous êtes pas obligé, vous pouvez les laisser là pis faire comme we'll come back later or some other day. Le problème, c'est que c'est clair qu'on peut pas couper la chaîne sans que les bubbles y pètent. On a tout mais on peut sneakily checker les bags, peut-être pogner qu'est-ce qu'il y a dedans là. Ou est-ce que. Est-ce qu'ils se débarquent, les sacs sont sur les sacs? Ouais, mais c'est comme tes sacs, là, de bébé, sont sur les sacs. Non, sont sur l'arbre, le bike est comme juste accroché après l'arbre. Si la bubble elle pop, le bike est scrap, sûrement. Mais alors, peut-être que dans ce cas-là, on est mieux d'attendre parce qu'on risque de repasser par là. J'imagine qu'encore on venait, on est peut-être mieux de comme d'y aller, puis bon. Mais on pourrait revenir genre quand ils seront peut-être plus là, genre. Puis jusqu'à date, ça a vu une couple de fois, là, umbrella, là, c'est fort. Bon, je suis là, à date on pourrait se mettre comme un réseau d'umbrella au-dessus du bike, genre popper les ballons. Là, ça coule dessus. Mais faudrait qu'on fasse un special umbrella parce que. Il faudrait qu'on ait un umbrella. En dessus, genre, comme tantôt, il y aurait juste comme. Il y aurait fondu un pogné en feu, genre, il y a un coup avec un umbrella en feu. Ben, si. Il faudrait que je puisse trouver. Mettre une. Avoir une aile d'avion portable ou. Genre, dépliable. N'importe où, même. Refaire le epicness. Je veux dire, tu sais, comme le basic, ça peut attendre un petit peu. Mais par contre, tu sais, dans le casier, moi, je dirais les gars. Ouais, ça, c'est simple. On y va, là. Marle, il y a des bolettes. Ouais, c'est quoi, c'est genre, ça serait genre force. Ça serait, je pense, strength avec force. Ou s'il y a quelqu'un qui est capable de ficeler son win. Ça va être force. Je sais pas si toi, t'as les skills de pickpocket. Non, pas vraiment. Pick the lock. Pour vrai, le casier, ça va être force. Ça va juste être littéralement genre tu le pitches à terre, tu punches le dans le carré. Non, tu fais tellement eu hors de la rouille là-dessus. C'est genre du PTSD du gars que t'as battu. Genre le casier se transforme en old man. Max fait quelque chose. Qu'est-ce que tu vas te faire, Max? Max va juste parler en privé. Oh shit! Ouais, tu fais? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, Philippe est genre, Philippe, toi, tu parles du casier. T'es comme, ah, on devrait faire le casier. Puis là, il y a comme Braxton qui fait genre. Il y a juste le chien qui est assis. Where's Bertrand? Puis là, vous retournez, puis il y a genre son dog qui est tout seul qui est. Shit! Où est-ce qu'il est Bertrand? Ouais. Puis là, vous remarquez que genre. À côté du basic, dans le backyard, t'as Burton qui est en train d'ouvrir, genre le. Le sac. À l'intérieur, il y a comme une pile de papier. Ouais. Mais en fait, ça c'était pas mal. Non, mais ça compte, c'est correct. T'es prends super lentement. Genre, il prend super lentement. Il va te plaire, il a fait. Je vais sneak jusqu'au bike. Pas forcer le casier tout de suite. Ça va faire du son. Je vais aller leur regarder. Everybody stay quiet. Don't move. Là, c'est genre, moi je vais me lever la tête vers le bruit. Eux autres vont se lever la tête vers le bruit. Ton chien va se croiser. Ton chien va bark. puis voilà. Mon chien barque. La bulle à pas. Ouais, c'est ça. Je vois comme il y a une partie de moi qui a le goût de faire ah bon, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Je veux pas qu'il y ait, mais non, mais là. You can do it, Max. Je vais poser la confrontation quand même. Je pourrais pas jouer une chanson pour Suit les Bubbles. Non. Donc, Max. Yes. Bon Piper. Tu trouves un Lifestyle Magazine. Culture plus one. C'est, si tu le ramènes au arc, c'est plus un des six à la culture du arc. Ça, c'est permanent comme un building? Ouais. On va le mettre dans notre musée. Ouais, c'est ça. On va pouvoir faire un musée pour avoir les vrais arcs. Ça pèse rien, c'est un magasin. Right. Ouais, ça donne pas de gear bonus, mais t'as un magasin. T'as comme des photos avec genre du monde qui sont comme. Qui ont pas genre de déformité sur leur face, ils sont vraiment blonds. T'as comme. Il y a des photos d'enfants, t'es comme. Il y a quelqu'un qui est genre. Il y a genre comme une annonce genre de Delta Airlines, pis t'es comme. Flying Machines! C'est même pas clair que c'est ça dans le magazine, c'est juste comme un avion pis t'es voir du monde content, mais là c'est quoi? Tu réalises que... il y a There's comme... some happy people! Life wasn't shit! Our people looked happy. Alright, fait que bon ben Max a juste décidé qu'il bypassait tout le monde pis allait chercher un des artifacts. Fait que un force roll pour essayer de péter le... That's right. Wow, on attend que Max sorte des bulles avant ça. Oh, parce que ça arrive pendant la chance de faire une face. Ok, mais ça fera pas d'interaction sur le train avec les gens. Ouh! J'ai un succès. Don't reroll. C'est enough. You break the lock. Here's your two bullets and one water. Mine! What? Because I break the lock! What the fuck? Tu peux faire ce que tu veux. It's okay. Tu peux, et là, est-ce qu'on a assez de place pour tout? Je veux dire, t'as-tu beaucoup de force? Les bullets, ouais. L'eau, je pense que j'ai pas tant de force que ça. Moi, je suis bien correct. Ton espace de gear, là. Après, j'ai plus autant d'eau que j'avais, fait que faut que je recalcule mes shit. C'est rien ça, guys. Un, deux, ça va être ça. À chaque carré qu'on va mettre le pied dedans. Non, on m'aurait rien dû emmener. Ouais, ça se peut, c'est vrai. Est-ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez faire à cette place-là? On rien dû emmener. Ou on s'arrête là? On pourrait arrêter d'apporter de l'eau. Parce que je peux trouver de l'eau avec plein de pâtes. Mais je peux pas trouver du. Est-ce que vous voulez scavenge? Vous voulez scavenge pour du scrap aussi, si vous voulez. Ça, s'il y a une personne qui va me faire soit un know the zone ou un scout ou. Oui? Est-ce qu'on pourrait scavenge en revenant, si on désirait? Oui. Ouais. Est-ce que ça change qu'on fasse là ou en revenant? Mais en fait, ça va prendre du temps. Mais il y a ça, puis moi je pense quand même que, tu sais, je veux dire, en revenant ça peut être une bonne idée, sauf qu'en revenant on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de scavenge quand on va revenir, je sais pas. Je... Est-ce qu'on se sauve jusqu'à l'heure pendant 5 heures? C'est ça. Mais c'est parce que là, en même temps, je me dis, tu sais, si on passe du temps, là, je pense qu'on a gagné du temps à cause des jeux. On a gagné 2 heures. Ouais, quand même. Ouais. Mais, je sais pas c'est combien de temps, mais je me dis, on pourrait peut-être juste tackle cette avance-là. Mais oui, c'est vrai qu'on sait jamais. Mais non, c'est vrai aussi que, dans le fond, c'est qu'on peut pas vraiment ramasser grand-chose. Je sais pas si vous avez de la place dans vos affaires, là, mais... Moi, j'ai encore de la place. Vous pouvez c'est juste que ça va devenir limité. Vous avez trouvé du stock, vous êtes pas obligé de le prendre. Ouais. Mais ça va prendre du temps, hein. On peut le stasher. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça peut être une idée de stasher quelque chose. Ça serait combien de temps? Mettons que quelqu'un décide de faire un jet de nous deux ans pour. Non? Non. Pour rechercher? Ouais, pour scavenge. Je ferais ça en vrai, ouais, moi aussi. C'est pas notre priorité en ce moment. Okay. Alright. Cool. Parfait. Fait que le premier secteur est fait. Ça prend juste 2 heures pour passer à travers. Parfait. Fait que K16 est fait. It's slightly overcast. It's not cold, it's not hot. It's just regular normal weather. Okay. It is, however, raining. No. All the time. Okay. Pendant que vous êtes normal rain. genre fuck you rain comme au début de la game. Good. Fait que là, on move to the new zone. Ouais, t'en fais ça. Là, je vais demander un. roll de end, vu qu'il pleut pendant ce temps-là, je demandais un roll de Andrew à tout le monde. Vous pouvez rajouter, vous avez des bottes, un coat, whatever, vous pouvez rajouter ça dans votre gear. But c'est R, hein? Ouais. Yeah, but c'est rendu rouge. Parce qu'il pleut. C'est désagréable, c'est frais, c'est wack. Fort que je m'achète un raincoat. C'est strength? Ouais, c'est Andrew, c'est strength. Esthétique. Andrew, fait que c'est strength. J'en ai trois de 2D. J'en ai trois à cause de mes bottes aussi. Nope. Oh, j'ai eu un succès. Shit! Felipe does not give a fuck. C'est à cause de mes froglets. La fâche, c'est que quand t'as une chose que tu peux faire, tu peux stunter. Avec ton Andrew. Tu peux dépenser ton stun pour aider quelqu'un à réussir. Tu peux faire que t'aides quelqu'un, dans le fond, c'est que quelqu'un réussit automatiquement. Ouais. Moi, il y en a comme un pour toi, puis un que tu pourrais donner à quelqu'un d'autre. Okay. Ben, qui a réussi en ce moment? Moi, une fois. Ouais, fait que Marl puis Felipe a réussi. Toi, t'as deux succès par contre. Okay. Tu peux aider soit Cousteau ou Bertrand. Ou ils peuvent push. Ouais, push, tu get le. C'est quoi, anyway? Qui a voulu un ici, là? Moi, j'ai un. Ça va être de la fatigue. Ça va être de la fatigue, right? Ouais. Agility, pas endurance. Mais ton jet d'endurance, c'est pour te prévenir de la fatigue en ce moment aussi. Sauf que si tu pushes et tu fails, tu gagnes des MP points. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est toujours. Oh, ouais. J'allais dire, moi, je pourrais te le donner à toi vu que t'as roulé un 1 déjà. Je vais push. Ah, bon. Pas oh! Tu prends une 2! J'ai fatigue. Ah. J'ai un push, moi, avec. Ow! Ah, oups, c'est 5D. Mais. Mon dieu. Je l'ai pas, puis j'ai rien fait. Oh, mais je peux-tu le donner à Max dans ce cas-là? Tu pourrais canceler un de ses push. Ben, je dis, tu pourrais canceler un de ses damage. Ça me donne-tu okay. un. Ouais. Point. Yeah! C'est ça, le mec qui s'appelle. Oui. Nice. Et dans le fond, si elle donne un, je vais t'en enlever un comme ça par contre. Okay. Fait que tu t'aides Felipe dans la pluie, mais t'es comme ah non, t'aides Bertrand. Bertrand. So the next sector you come by. Je vais le lire parce que je trouve ça nice. Underneath an open roof, next to a low house, a number of ancient blocky vehicles are wrecked. And they are left to rust. Next to them are machines, huge machines with nozzles and faucets and hoses, tentacles like appendages. No one knows what these things were used for, but they were surely a place of pilgrimage for the ancients, where they came to fuel their machines and Moi ce que j'aime c'est que tous les trucs sont genre une place de pilgrimage. Clairement. There's no other way. J'ai écrit à l'avance, mais essaye de décrire une place quand t'as aucun concept de c'est supposé être quoi, t'sais. How do you explain a gas station to someone who doesn't know gas? Or places, or cars. Ou le concept juste du comme d'un workshop, d'une organisation quelconque. What is combustion? Mais tu sais, puis pendant que vous travel, tu sais, il y a tout plein de choses aussi dans le chemin. Fait que si jamais vous voulez injecter de votre propre fiction, ça me dérange pas. So, we're gonna need to find the path. We'll find the path. On est rendu à quel secteur? Traversons le path. On était, là, on est à K16, puis on s'en va au prochain. C'est à 17. 17? J'imagine c'est à 17 que tu vas passer. Ouais, ouais. Plus, mettons, il me faut un rouge. T'es Binnaker? T'en as deux? Ça, c'est pour Scout. T'en as deux? Non, c'est pas Scout, hein, c'est Find the Path. Les jumelles comptent pas. Ah, fait que ça va être des jaunes. Ouais, ça va être du bon skill. Une chose que je vais te proposer, c'est une règle optionnelle qu'il y a dans le jeu que je trouve cool. Si jamais tu veux essayer de trouver un vantage point, okay. Tu peux. Par contre, ça va te prendre une couple de roll pour comme grimper quelque part. Puis ça te permet de find the path dans tous les secteurs qui connectent où est-ce que t'es en ce moment. Whoa. Tu pourrais trouver tout alentour, tu pourrais déjà avoir une idée de c'est quoi toutes les affaires qui sont alentour de toi pour te guider où est-ce que tu vas. Mais c'est un petit peu plus risky. Est-ce que tu veux grimper sur le top du gas station? Puis pas sur le top. Non, genre sur le top, genre de comme l'antenne de cellulaire qui est à côté là. C'est comme tu veux. C'est risqué. Si tu manques ta shot, je peux te garantir que ça va être désagréable. Je pense pas que j'ai besoin de faire ça. J'ai assez confiance à mes fins de temps. On pourrait savoir c'est quoi The Orb. C'est rien. Oh fuck. Je vais te changer. Max, peux-tu me... je te passe mes jumelles, genre je l'ai un peu lent, check. Non! Si tu veux un vantage point, c'est toi là. Ah, y'a pas, pas, pas de genre passing off la responsabilité. Je peux pas, non, je peux you pas can't demander, pussy out of this. Je peux pas demander à Max de me scooter un vantage point. Non! Puis je m'en vais dedans, ensuite. Ben, si. Je te scout un vantage point, il est là. This super high thing. Super high thing. Alright, let's go, guys. C'est quoi qu'il me faut? C'est quoi qu'il me faut? Moi, ce que je te proposerais, camarade, c'est t'es-tu capable de te tenir après moi solidement? Parce que moi, grimper ça, je ris. Ok. Ok, je vais juste comme. Un interject. That's a terrible idea. Genre, ça veut juste. Si lui. Moi, je peux t'avancer tout de suite que si vous grimpez à deux, si lui il fail, les deux vous êtes dans le marbre. Si toi tu fails, les deux vous êtes dans le marbre. Pour succeed, ça va être les deux qui vont voir qui succeed. I'm just saying. I'm just saying. Ah oui, c'est vrai. Ça, oui, c'est... tu pourrais utiliser tes. Oui, c'est vrai. C'est ça que je veux faire. Hein. Ok. Fait que quand tu rentres dans le secteur, ça va prendre un find de path pour le secteur, puis après ça, on va faire un autre pour. Pour les autres. Ouais. On va commencer par celui-là. On va commencer par celui du secteur. Ouais. Ok. Fait. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Perfect. And wow! Non, zéro! 4 heures! Et je roll pas. find nothing. So, yeah! Fait next. It's a place of pilgrimage for the ancients! Yeah. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Il y a comme un gas station overground. Il y a des carcasses de char. Ben moi j'ai monté en haut de l'antenne. Il y a the sun is scorching, it's really. Tu sais, comme moi, les nuages s'en vont, la pluie finit, puis genre il fait super chaud. Il fait comme y a encore l'espèce de toit qu'il y avait au-dessus des ponts. Yeah, sure, why not? Il y a pas trop de trous dedans. Non. Il y a de l'ombre. Yeah, sure. Moi je m'en vais à l'ombre. Parfait. En fait, ça ne tente pas de scout ou quelque chose? J'avoue, je pourrais. Ça sert à quoi, scout? Il y a la section du garage, tu sais, qui a comme une espèce de porte qui se levait, tu sais, une porte comme ça, qui est juste un petit peu levée. Un tout petit peu. Il y a à peu près ça d'espace. Non, moi, c'est parce que moi, c'est ça, c'est pour ça que je vais dire comme. J'ai pas de comprehend, mais je me demande est-ce que, tu sais, comme mettons avec Scout, ou est-ce que j'ai moindrement une intelligence pour dire. Il me semble que moi, c'est, mon bonhomme, ce serait comme. Ah, ça, c'est le genre de place où il y a déjà eu des transactions. Mais tu peux aussi quand même essayer de comprehend. Non. Si t'avais comprehend, j'aurais dit, ok, roule-le là, pour comprendre le concept d'une business. Mais on peut pas tenter, admettons, de comprehend. Ben, pas, admettons, peut-être pas le concept de la business, scout, mais. On peut quand même essayer de comprehend at large, genre des trucs quand même. Non, mais tu pourrais. Mais pas le concept. Toi, as-tu comprehend? Non. Non, ok. En skill, non. Mais si tu veux, tu peux rouler scout pour comme genre checker dans la vitre du garage pour. Ah! Yo, j'ai du comprehend. Tu peux rouler comprehend? C'est ça. Mais je voulais dire aussi en général, mettons, on trouve quelque chose, on voit des choses, on peut essayer de rouler un général comprehend pour make off, mais peut-être qu'on va fail aussi horriblement. Si vous allez fail, ça va être malade parce que je l'écris à l'inverse de ce que c'est. Ok. J'ai une réussite à mon score. J'ai une réussite sur mon comprehend. Pour ton comprehend? Ok. Fait que tu comprends le concept de la place. Tu sais à quoi ça servait à peu près. Fuel the machines. Fait que vous savez que cette place-là, vous pouvez peut-être. Il y a peut-être une manière d'avoir du fuel. Mais that's it. Toi, t'as eu un succès pour Scout. Fait que tu regardes dans le petit trou. Alright. Your eyes get ripped out. Il y a comme une. There's a lot of like dust and shit. Fait que tu fais genre. Toi, tu regardes and. For a second, you're not sure, but you think you see movement inside. Something's moving. Wait. No, there's two things. Oh, whoa. No, there's three things. There's a bunch of shit. Well, moving no, there's here. Four. Oh, wow. Oh, there's a lot of things moving in there. Holy a lot shit. Of small. No, they're not so small. They're about half the size of your dog. A lot of things are moving in that garage. Giant rats. Je commence à dire ça à voix haute. T'es sûr que tu veux dire ça à voix haute? Non, pas vraiment. Je marche sneakily away. Hey, c'est un skill ça, je pense, en sneak. En effet. En gros, je suis rendu à quoi? Je suis rendu à ça. C'est le dinosaure qui tue le Fat Man dans Jurassic Park. Qui l'est plus que dans le... Dennis Ledry, non! Deux succès. Parfait. You can sneak away easily. Undetected. Ben, easily sneak away undetected. Pis quand Bracton s'en vient pour me dire de quoi, avec mon stun, je lui mets la main sur la gueule, genre, ben ben vite, je mets une de mes quatre mains sur la gueule, genre. C'est ça, je pogne les deux mains sur ses oreilles, pis je mets l'autre main sur la tête, pis l'autre main en arrière. Ok, parfait. Guys! Mm-hmm. Oh, excuse. Guys, y'a fucking plein de cossins dans la cabane, Dredd. Wesh. À peu près, genre, la moitié de mon dog. Maybe we can eat them. Ils sont vraiment plus nombreux que nous autres. Je pense qu'ils vont passer à la même chose que tu viens de passer. You're all starting to feel a little sick. Je fais un nœud de zone pour savoir c'était quoi ce que je pense. Ouais, vas-y. Nœud de zone plus 1. Nœud de zone plus 1. Nœud de zone. Take a plein de rot dans la zone. Plus 1. Ouais. Une réussite. It looks like a nest of some kind. Yeah, that's definitely a nest of like bugs or some shit. Let's get the fuck out of here. Let's move on. Ouais. Move on. Okay. On a des mousses, on a des trucs à allumer. Mm-hmm. Est-ce qu'on crisse le feu dans la place pour voir qu'est-ce qu'il y a après? Let's burn it down. On a trop joué à Delta Green. There's a problem. Let's set it on fire. Ok. I want to control fire. Fait que vous sortez de ce secteur-là pour aller vers quel secteur? Vous êtes sûr que vous voulez pas avoir le vantage point? Ah ouais, c'est vrai, il y avait pas ça. Mm-hmm. Mais... Alright. Let's go on vantage it up. Ouais, c'est sûr. C'est broken. C'est ça, là, ça? Alright. On va voir qu'on trouve une civière. Couche-toi. Viens sur mon dos. Ouais. Viens sur mon dos. Non, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Viens sur mon dos, c'est fine. Va falloir que je fasse mes jets, pareil. Ça sert à rien. Mais juste tes jets, juste pour trouver le finder spot. La base, c'est que lui, il va donner... Ça va prendre 2 mutation points. Il va dépenser 2 mutation points pour utiliser ses 4 bras pour grimper avec toi. Ok. T'auras pas de jet à faire. Ça va coûter 2 mutation points. Ah, c'est fine, let's go. Je monte son back. Okay. Je m'assois là, puis je joue de la flûte. Ok, fait que ça va te. Je suis pas aussi gros que ça. Ça va prendre un nœud de zone. Qui grimpe, là. Parfait. Un find the path. Un jet de find the path. Pour moi? Ouais, pis tu peux utiliser tes jumelles, vu que t'es sur un vantage point. Fait que vous, moi, je me tiens à réussir finalement. Ouais, okay, moi, je me tiens à deux bras sans tour, pis je le tiens lui à deux bras pour être sûr qu'il tombe pas. Okay. Sur une de ses jambes, ça, même. J'ai mes jumelles là-bas. En fait, j'ai une main à sa ceinture, une main dans son dos, genre où. Fait. Tu veux que je te fasse un find the path? Un find the path pour chacun des secteurs alentour. Oh, pour chacun des secteurs alentour? Ouais. Oh, Jesus. Ok, fait qu'on va comme. Même sur Anzago? Ouais. Oh my god. C'est cool, man. Hey, moi, j'avais fumé une clope pendant ce temps-là. I'm here for the booty one. Wow, si! Puis dans le fond, ça compte pas pour les secteurs où vous êtes déjà allé. Ok. Donc, deux. Ben, celui-là. Là, nous, on est ici, à la code 7. Fait que dans le fond, donne-moi le... Ok, ben pendant que vous partez, je vais faire ceux qui sont pas juicy. Quand vous revenez, okay, on fera Weird Orb et Deadlands. Yeah, thank you. C'est ça? Oui, c'est ça. Non, ça pas. Fait 16. K16, c'est déjà fait. Ok, ouais. Fait qu'on va aller en haut, on va faire J16. Y a-tu quelque chose d'écrit sur la map déjà? Non. Non, ok, parfait. C'est-tu le bord de l'eau? Ben, il y a un bout d'eau dedans. Non, ok, c'est bon. Il y a un petit bout d'eau. Ok. J'y sais, j'ai 2 réussites. 2 réussites? Avec ces 2 réussites-là. Ah, mais c'est vrai, mais on rentre pas dedans. Fait que je peux pas faire le shit, genre, trouver des spots. Tu peux pas trouver, mais par contre, tu peux quand même gager une coupe d'affaires. Fait que je vais gage le rot. Ouais, c'est une bonne idée. Puis je vais gage un safe way pour que ça nous prend 2 fois moins de temps si on part. Ok, fait que ça prendrait 2 heures à la place. Ouais. Puis on a une coupe de zone de 2 heures, c'est quand même. Ok, tu regardes, it's forest. Almost only forest. It looks like maybe like it was a park or something. There's no buildings, no nothing. Okay. And things are growing. Okay. Like, comme tu sais, il y a de la végétation, il y a des animaux pas trop mutants. It looks like there's no rot in there. Oh, it looks like a rot oasis. It looks healthy. Tu vas faire Ancestral, j'ai oublié. C'est pas grave. Peux-tu écrire des affaires sur la map? Ben, veux-tu juste écrire ou. Ok, ça t'écrit avec les stats. Ok. Fait que J17 c'est fait. On va faire L16. Y'a-tu quoi là-dedans? L16 non. Non, ok. Parfait. Fait que là, c'est ça. L16, on a 3 réussites. Je vais faire threat, rot, puis moitié du temps. Ok. It's weak rot. Fait que c'est comme 1 point par 24 heures. Ok. 2 heures. Puis le threat, t'as dit? Ouais. It's just a plain. There's nothing. There's nothing but ash. Ok. And in the middle of it, the only thing you can see is a huge dead tree. In the middle of it. Okay. And on one of the branches, there's something just dangling off. And that's it. Walking the dead. Just prendre les trucs importants en note. Genre, J16, la forêt qui ça grow. Mm-hmm. Dommage qu'on n'ait pas vu le threat. L16. C'est l'énorme tree dead. Big dead tree. Ouais, puis c'est comme plain. C'est du hash pareil partout, fait que genre y'a pas de comme vu que t'as le scavenger perk, je vais te donner ça tout de suite parce que faut pas j'oublie. Ouais. Tu sais, quand je dis comme there's a giant ash desert, basically. In the middle of it, there's a huge tree. Mais comme huge, là, genre. Gratte-ciel style, huge, genre, tu sais, comme 3-4 étages, non, je sais pas, tu sais, comme 3-4 étages de huge, là. It doesn't have c'est any leaves. It doesn't have any leaves. There's a bunch of stuff coming out of it from the side, looks like branches. And on one of the branches, there's something dangling. So it looks vaguely humanoid, what's dangling off of it. And you can clearly see something gleaming. Like, tu vois, à côté des jumelles, t'as de la trêve, un petit. Ok. Whatever is on that branch has something in their hand. Ok. Puis, nothing gleams in the zone. Y'a pas. Y'a rien de shiny dans la zone. Fait que. Whatever that is clearly something from the ancients. Ok, fait que genre. Si vous y allez, sérieusement, je vais me rouler à terre. Artefact. Parce que ce qui est cool, c'est que. Les secteurs sont tous construits randomly ou presque. Là. Ok? Puis je prends en note ici, c'était Crossair, c'était la gas station avec le NES. Mm-hmm. Avec code 17. Le gas station. Non, c'est Crossair. Crossair? Right, sorry. Code 7, c'est la case qu'on est dessus. C'est ça, Crossair, c'est le hunting store. Ah oui, oui c'est vrai. Code 7, c'est le gas station. J16. And the nest. Puis K16, c'est le bicycle. Et la fois, c'est que tu peux regarder toutes les cases adjacentes. Mais tu vois, d'habitude, c'est super rushant faire ça, mais Max a quand même dépassé 2 mutation points. Fait que je suis comme, ah, c'est ok. Fait. Alright, next. Fait que next. Là, les 3 ici sont faits. On va faire ces 3 là, I guess. Tu veux pas faire ceux-là? Non, bon, on va attendre les boys, on va faire les 2 importants. Ok, ok, ok. Fait que. 18. J. 18 J. 18 J, j'ai une réussite. Fait que. Fait que tu vois c'est quoi. Ouais. It's a very very large building. It's you've seen that kind of building before when When the end times came, the ancients flooded to this concrete hulk of a building, desperately hoping to save their own lives. Okay. Now it's a crumbling ruin. You can see old skeletons everywhere outside. And on top of the building, there is this huge, dirty red cross. This is the first step. C'est intéressant. C'est tellement tough d'écrire de quoi sans dire c'est quoi. Là, c'est quand même nice. C'est vraiment difficile. C'est très sûr qu'on a la même image de ce que c'est. Ensuite, code du jeu. C'est quoi sa map d'écrire? Non. Non, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Code 18, on en a un, fait qu'on peut savoir c'est quoi. Parfait. There are many tall towers made of rusty metal beams rising up into the sky. Okay. Some are collapsed halfway. They all look so sharp from afar. And running between them are like these thick, like artificial vines, like thick membranes are just running from one of those spikes next to the others. Yeah, yeah, yeah. The power lines. And the quoi? The power lines? And yeah, you've heard legends that these things could make power and light amazing. Into the zone. Okay, that's a power plant. Fait qu'ensuite, code 18, on est rendu là, on va aller à L18. Y'a-tu quoi sa map? Non. Ben, c'est le dernier qui a rien. Tu sais, comme mettons le texte de Deadlands, des bases là, ça veut-tu dire qu'il y en a là? Ou non, c'est dans le milieu, celle-là. Tu sais, il y a des places où il y a. Oh, ici, on a une coupe. J'ai 3 réussites ici. Fait qu'on va faire. Le threat, le rot, puis half time. Ok. Mais halftime, c'est genre comme, admettons, tu découvres un secteur, c'est-tu genre forever and ever? Ben, dans le fond, c'est que vu qu'il l'a scouté à l'avance, si vous décidez de passer par là, ça va vous prendre 2 heures au lieu de 4. Si un secteur est déjà exploré, tu sais, comme par exemple, vous avez déjà exploré le Hunting Store, ouais. Mais vous n'avez pas exploré le Gas Station. Le Hunting Store, quand vous allez revenir, ça va vous prendre le quart du temps. Ça va vous prendre 1 heure à traverser. Ok. Le Gas Station, vous ne l'avez pas exploré. Deux tu l'as mis full time. Ok. Mais c'est 2 heures, c'est vu ça, que j'ai déjà, fait oui, le c'est ça, temps. S'il y a déjà, ouais, c'est ça. Okay. Donc, ça serait 2 nice. Heures. Okay, c'est bon, ça. Si vous aviez un si jamais vous avez un véhicule, ça coupe tout par moitié. OK. Fait que si vous aviez, mettons, on va dire, déjà exploré un secteur, ça prendrait 1 heure à revenir. Si vous avez un char, c'est 30 minutes. Si vous avez un véhicule et vous n'avez pas exploré le secteur, c'est 2 heures au lieu de 4. Mais... C'est ça. Puis véhicule, mettons la bicyclette, c'est-tu un véhicule? Ouais, je le regarde, mais ouais, ça donne des bonus. Ça, en fait, ça donne des bonus pour escape des fights, si je me trompe pas. Parce qu'en plus, c'est drôle, parce que si je verrais, mettons, on aurait une bicyclette, genre, on est comme malade, puis on se rend compte que ça roule, genre, ou quoi, on a assez comme friend, whatever, mais t'es quand même juste une bicyclette, alors c'est un peu drôle, tu sais. Ok, donc. Fait que t'es sur le top, t'en regardes vers l'autre secteur. You can see. It's strange. At first, it feels like a mirage because everything you're looking at is the same. Okay. The same streets with the same houses, the same color, the same size. Everything okay. is. Suburbs! God damn it. Suburbs! Streets with identical small houses and in even rows on each side. The grass is withered, the bushes are dead, but everything is the same. Covered okay. in ashes, but the same nonetheless. Puis, parmi tout ça, tu sais, pendant que tu scoutes avec tes scrap binoculars, ouais. You can see a campfire in one of the backyards. Oh. There's someone doing something. You can see one person, just one person doing something. And that's it, nothing is shiny. Okay. Things are growing, but you can still feel, you can still see that the rot there is there. It's just, it's weak, it's weak one. Rot. Okay. It's level 1. Okay. Okay. Fait que je sais quoi, le threat est là, le rot est fait. Maintenant, c'est les deux juicy destinations. Weird Orb puis Deadlands. Ok, vas-y. On va commencer, mettons, par Deadlands. On en a deux. Lesquels tu regardes? Deadlands. Deadlands? Je vais... Threat, puis c'est ça, là, un des recettes. C'est quoi le les coordonnées? Deadlands, c'est L17. Ok. T'as eu combien de succès, je peux voir? Deux. Deux, puis qu'est-ce que tu fais avec? Threat, puis l'autre, ben, il est automatiquement used pour It's some... You've never seen anything like that. For some reason, you don't understand why it says Deadlands on your map. Ça, c'est une vieille map, genre, qui date d'il y a super longtemps, que plein de gens ont écrit des affaires dessus, puis que c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Ok. Ce que tu savais des Deadlands, c'est... Je viens de réaliser qu'il y a une affaire que j'ai oublié avec toi. une affaire des Deadlands. You've been told that it hums, it makes a strange sort of sound, like the dead rise, or something that's not alive come back to life. Okay. You can see there are many animal-shaped things, like big animals and smallish structures, like big like a car maybe. Okay. And there are like some spots are like brightly colored in yellows and green and red. And you have like ladders, and then things going down and coming back up, and then scaffolding, and you've never seen anything like that in your life. Okay. Roller coaster. And in the middle of it, where grass is trying to grow. Let's go for a little bit of that, remember? Gotcha. Thanks. Where grass used to grow, there are these huge swaths of burnt lands. Comme tu sais, mais vraiment, tu sais, pas comme il y a eu genre du lightning qui a frappé, puis il y a eu genre un brush fire, puis whatever. Il y a vraiment comme des lignes très droites que genre ça c'est brûlé, ça c'est brûlé. Okay. Ça, mais c'est comme, c'est très cartésien. C'est pas nécessairement régulier, mais c'est genre avec une précision chirurgicale. Okay. Comme, ça, c'est pas normal. Non, même, c'est... Comme un laser. C'est super précis. Fait qu'il y a ça. And you can see two things. You can see a giant... La raison pourquoi t'es spot, c'est parce que ça flotte un peu la lumière. There's this huge, sort of roundish ball of things. Il y a un peu de dirt dessus, un peu de terre, il y a des plantes qui ont commencé à pousser. Okay. But it looks like it's made of metal and stuff is just growing on it. Puis il y en a un autre un petit peu plus loin, which looks kind of the same, but pieces seem to be missing. It looks like the same, but if you chipped some stuff out. Okay. And all around those are vehicles of the ancients. Whoa. They look like cars or jeeps or whatever, they're boxy and pieces are also missing. Mais à chaque fois, ces trucs-là sont pas juste comme decayed and rusted. They're like split in two or in three. Shit. And when I say split, I don't mean like they're torn apart. They're just like... Oh, I see. Yeah. Okay. There's that. Wow. Sounds like pyrokinésie, mon ami. Fait... Avez-vous le goût d'aller là? Non. Fait que sinon, ben il a l'air d'avoir du bon salvette. Au début, je me disais que c'est un shit de Monster Truck, là, mais il y a trop d'affaires que ça fit moyen. Fait que le dernier. The Orb. Threat, puis l'autre est automatiquement utilisé. Je veux juste dire que t'as été chanceux parce que comme t'as réussi à avoir au moins un jet à chaque fois. À chaque fois, ouais. Honnêtement. It's... You know the map, so you kind of know what... Well, you think you know what to expect. And it... What you see is what the map says. In the distance, you can see on this hill, this giant grayish-black sphere ball thing. Okay. It's just like a huge... It's not even like a dome, it's just a huge ball, basically. Comme une grosse balle de tennis, mais... C'est l'Expo 67! You can see in some places... In some places, either holes have been cut through, or there are holes and things have fallen inside. You can see, like, plants growing out of it, or... and that's all there is. It's just a... Comme si tu regardes à l'horizon, puis il n'y a pas comme de... Comment je peux dire? De landmarks, and then you see this huge fucking ball of what the fuck qui est juste là. Float pas, genre? It doesn't float, you just... Mais tu sais, à cause de ça, à cause de l'horizon, tu vois pas exactement comment qu'elle tient. It's just... You can see buildings and trees and stuff, and then it's just this huge fucking sphere. Okay. And... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et autour de la sphère, ouais, ça, y a-tu de la vie autour de la sphère? No, it looks very quiet. Okay. Ah. That's what it is. Okay. Tu sais, c'est quoi le location, excuse-moi? Ça, c'était J17, je pense. Ouais. Puis là, je vais vous dire tout de suite, parce que je me sens cheap si vous décidez de faire ça, je vais juste vous avertir. That's a... another quest. Sphere. That's a side adventure that's not ready yet. Okay. Fait que, we're gonna meet again. Don't go there. Don't go there don't yet. Go there. Okay. Oh ben là, c'est là! Fuck you là! C'est l'équivalent qu'on marche dans un mur. There's an invisible wall. Si vous voulez y aller, allez-y, je vais m'arranger pour pas que vous vous rendiez. C'est juste Sounds so evil. Ah, oh, tiens, tu tombes sur un dead claw alpha. Il y a une mine nucléaire. You step on it. Fuck you. Ça nous, ça nous apporte comically, genre, à la place qu'on doit aller. Okay. You have full rock. So as you're going to... as he's coming down the cell tower, the ancient communication device, you remember that you paid... You gave Yasim some stuff? Mm-hmm. And before you... T'as comme un flashback, tu sais, genre... Ouais. Puis là, on retourne, genre... T'as une partie du joueur qui t'as genre Yasim qui arrive puis qui est comme... Hey, by the way... Genre... This place, you can do this to go faster there. Fait qu'il y a un secteur de ton choix, okay, en chemin, que tu peux couper le temps de moitié sur ce que le Vic fait. Fait que si mettons une coupe de 2 heures, ça en prend une. Il fail, ça prend 2 heures. You've got the path through one sector. Okay. Just nice. Like that. Parfait. De ton choix. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on... Nous autres, on veut aller normalement. Là, on est ici. Ouais, puis j'en veux vite. Puis on s'en va par là, là. Ouais. En théorie, j'imagine. On n'ira pas là, ni là. Non. Hein? Fait que, qu'est-ce qu'il y avait ici déjà, là? Ici, mettons tout droit. Droit devant, ça c'est 18 quoi? 18 K. Ça c'est la power plant. Ok. En haut, c'est le very large building avec l'hôpital. Puis en bas, c'est les suburbs. Okay. Mais parce que c'est sûr que tout droit, je veux dire, il y a quelque chose là, non? Fait que là, vous sortez du... Vous allez vers... Je sais quel secteur. Juste pour le groupe, là, moi, c'est sûr que ma philosophie, c'est genre comme... Pour l'instant, aller droit à mon but. Exact. Puis ouais. Après ça, une fois qu'on est là, qu'on a... Ouais, c'est là qu'on va aller. Whatever. Ouais. Qu'on a fait whatever. Mon bonhomme est peut-être un peu plus libre, mais c'est sûr que... C'est ça. J'ai essayé sûrement, tu sais, comme, je suis pas nécessairement opposé qu'on me tire, qu'on aille à autre place, mais c'est sûr que mon perso pis moi, je vais être plus comme genre, we have to get away. Ouais. Parce que moi, c'est, mon personnage, c'est sûr que genre, chaque fois qu'il y a des chances de savoir qu'il y a comme des endroits où ce qu'il peut, tu sais, comme, qu'il peut rencontrer des choses qu'il peut connaître pis qu'il peut, tu sais, que ça peut, soit de l'information ou qu'il sait qu'il y a du stuff là-bas, genre, c'est bon. C'est clair. Pis aussi, on est tous une bande de vampires, genre, si on peut avoir n'importe quoi. Genre, c'est parce que dans l'hôpital, un chapeau, genre, oh my god! Parce que c'est ça que j'adore de ce jeu-là, c'est genre, les affaires les plus pas rapport, t'es comme, yeah! J'ai une brocheuse! C'est fait en quoi en plastique, oh my god! C'est this material. Pis toi, tout droit, ça t'a déjà moitié ou non? Ça, c'est du plastique, pense-y, là, t'as jamais vu ça de ta vie. J'ai essayé des esprits en note, les halftime. Ouais! Les halftime, vous avez L-size, okay, qui est halftime. Non, le de Badlands, tu sais. Sur les 18. Vous avez. Non. Sur les 17. Sur aucun des 18. Non. Vous avez L18 qui est halftime. Oh, L18, les Suburbs, puis il y a une personne avec un campfire. Puis that's it pour les halftime. Fait que t'as un halftime là. Ouais. Mais ça prend le même nombre de temps faire les Diago. Ouais, ouais, Diago, c'est le même nombre de temps. Ok. Ah. Mais pas ici, donc. Fait que dans le fond, on a le choix entre les trois pour. Mais c'est sûr que c'est parce que si à ce moment-là, on passe par le halftime, puis c'est le même nombre de temps d'aller là, moi, si je le mets un quart en plus, ça fait, ça fait un quart au lieu d'une demi-heure. Ça prend une demi-heure au lieu de temps. Fait que ça passe plus vite d'aller par là que d'aller par là. Que d'aller tout droit, dans le fond. Yeah. Dans le fond, ça prend une heure sur mon lieu de deux. Ouais. Sorry. Fait qu'on devrait aller dans les suburbs, je sais pas ce que vous en pensez, là, mais... Ça prendrait juste une heure pour passer à travers. Alright, let's go! Ouais, ok. Suburbs! Fait que là, vous sortez de là, puis vous sortez du section du gas station, and everybody feels kind of like shit, like Felipe is coughing, some people are vomiting, and everyone takes 4 rot damage. Whoa, gas station is full of rot. Ouais, le gas station was probably heavily... infected with rot, and puis là, vous avez comme pris le temps genre de scout ahead, fait que vous êtes resté plus longtemps, fait que c'est... C'est comme une des seules places qu'on a pas checké qu'il y avait du rot ou pas, là. Ouais. Fait que c'est 4 de rot damage, fait que tout le monde lance 4 dés. Oh my god. Okay. C'est quoi ça? 4 dés whatever. 4 dés whatever. On regarde juste pour les 1. Pas de 1. J'ai 2 1. T'as 2 1, fait que tu prends 2 de damage. 2 de damage. Ouais, j'ai 1. 1 de damage dans ton strength. Aïe aïe. Puis après, en bas de votre feuille, vous avez rot, vous mettez tout le monde met 4 points, peu importe. Yeah, tu sais, c'était comme dans les secteurs, c'est genre, c'était un des pires que vous venez de passer. Ça, mais c'est clair parce qu'on a, tu sais, passé de rien à. Vous êtes passé 5 heures là, là, en théorie, selon comme. Le jeu, là. Mm-hmm. Ok. Yeah, that's not cool. Alright. Fait que là, vous allez, c'est quoi la coordonnée de la place que vous allez? C'est L18. Ok, non, c'est L18. L18, alright. So, là maintenant, tu sais, t'avais déjà comme exploré, tu connaissais déjà le path, t'avais déjà vu c'est quoi comme le threat, il y a quelqu'un qui est dans un feu de camp, dans un des backyards, and you also have, you found the path, so it takes you only 2 hours. T'as le droit de faire un nouveau find the path si tu veux prendre des trucs additionnels. Okay. Qui est l'avantage d'avoir un vantage point. Ça vous a coûté beaucoup de rot, vous avez pris beaucoup de damage, mais... Oui, qu'est-ce que... Mais j'allais dire, mais j'ai quand même... J'ai pris mon kit pour passer par là, fait que ça prend une heure. T'avais genre une map des suburbs. Ouais. T'as-tu des 6? Oui, c'est le genre de place que j'aurais mis ça à vivre avant. Tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux... tu sais qu'il n'y a pas d'artefact. Ça, je peux te le dire straight up. Ok. Tu peux trouver des bullets, du rot food, du rot food water, tu peux... Je vais trouver des bullets. Ou de tes suggestions. Alright, un dessus. Bullets... Parce que les traps, ils ont déjà été faits, anyway. Ouais. J'avais une carte. Je me suis fait parler de cet endroit-là. Ça semblait être le genre de place six que... Six bullets. Ça semblait être le genre de place que j'aimais dans le temps. Je me suis fait dire que c'est genre comme tu rentres dans une maison, genre tu fouilles puis tu trouves... You find bullets and some guys. Perfect. J'ai entendu dire que c'est ça, cette place-là, ça serait pas pire pour moi. J'ai entendu que ça s'appelait comme avant Laval, quelque chose comme ça. Est-ce que il y a un lieu géographique? La map? Sur la map monde existante. La map est basée sur quoi? Je te dis ça. Ok. Montreal? Non. Mais, ok. Mais c'est basé sur quelque chose. Est-ce qu'on peut savoir c'était... Si jamais c'est issu du monde réel, est-ce qu'on peut savoir c'était quoi la culture? Ouais. Ben c'est américain, là. Ben peut-être pas, mais tu sais, c'est aussi européen, là. Tu sais même pas c'est quoi un américain, tu sais même pas c'est quoi une culture. C'est plus hors game, en fait. C'est juste parce que genre les bullets, je me dis genre dans le cul, genre, comme in the nightstand, unlock, genre, in some guys, there's 6 bullets, genre, avec un gun vide, mais tu sais, il l'a pas vu parce qu'il savait pas c'était quoi, genre. Fait que vous passez à côté d'une des maisons des Ancients qui est comme la porte est défoncée, il y a plus de fenêtres, là, toi et Kevin. Ok. And Cousteau knows that in the backyard there is someone by a campfire doing something. Puis 13, fait qu'on est rendu sur. Le soleil commence à descendre un peu, but it's still day. You still have a lot of time, it's still daylight. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? You want to go see what that person is up to? You want to just keep on your way? You want to scavenge? Combien il reste de temps de daylight? Quelqu'un veut me donner un know the zone, puis je vais vous donner un ballpark. Constitution. Let's go, Max. Puis quand vous voulez, vous pouvez comme faire un campement. By the way, quand vous voulez, vous pouvez faire un campement pour vous arrêter. Puis tu sais, mettons que vous êtes comme in suburbia. T'sais, vous pouvez genre dormir dans une maison. Si vous êtes en plein milieu de nulle part, c'est peut-être un peu plus normal. No successes, but I'm gonna push it. Push it to the limit. To the limit. Oh, t'en as un au moins. Un success pis un damage. Un damage. C'est un. C'est. Non, deux ondes, c'est qu'est-ce qu'il y a? Wit. Wit. It's bien confused. You are confused. Un petit peu de confuse. Ah, mais. What's going on? 4-5 heures. Encore de lumière. Avant que le soleil commence à se coucher. T'as comme, vous auriez le temps d'explorer comme un autre secteur, facile. Vous pourriez prendre votre temps ici, travel un autre secteur, puis vous seriez, tu sais, night would be coming. Bon, c'est pas si dans le prochain secteur on va avoir du bon shelter. Parce qu'ici, on a pas pu voir c'était quoi ces affaires-là. Fait qu'on peut rester là, puis essayer de parler avec le dude. Ça a déjà pris tout ce temps-là. Y'a-tu beaucoup de brats? Fait que ça fait comme 7 heures quasiment, 6 heures. Non, ici c'est week. J'ai déjà scanté. C'est du week rot. C'est juste, c'est un rot par 24 heures. Fait que ça serait pas trop pire. Non, mais. Non, tout l'autre devrait être débile. Mais ouais. Vous êtes resté 5 heures dedans, théoriquement. Là. On a mangé 4. Non, c'est ça. Fait que. Ah, il est 20 pour une journée. C'est ça, là, genre. Fait. Donc, mais on peut, c'est ça, utiliser le temps qui nous reste pour Savage, parler avec le dude, voir. Puis on se confie le campement avec. Qui est assez endroit-là. Approcher la personne qui est genre dans le backyard en train de faire whatever. How do you approach that person? C'est quoi votre approche? Je suis pas un people person. Ben, moi, oui, par exemple. T'sais, moi, je pense que. Tu sais, comme. Est-ce qu'on a vu, tu sais, ça a l'air de quelqu'un qui est comme. On voit juste, c'est quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire un scout? Moi, je peux bien faire un scout. Scout là avec ton dog. Ouais, moi, ça me donne 4D. So you peek over one of the ancient white picket fence. And I see nothing. And there are shrubberies everywhere. Oh shit. Dead shrubberies. Make it to plant love. So yeah, there's someone in the backyard. Alone, just one person. That's all you know. Fait que puis je vois pas si il est grand ou que je vois rien. Guys, quelqu'un pour m'aider. Tu push ton roll? Ben, je pourrais, là. Essayer de ça. Ouais, j'avoue, j'ai pas de fatigue, là. Ah non, c'est. J'ai pas de. Comme hein? Ils. Je peux te payer un. Non, c'est gars, tout. Elle avait rien. Dessus. J'ai un. Mais c'est tout. Fait que tu prends un de. Un de. Tout est confusion. That's it. You see nothing, nothing at all. And I don't understand why nothing I see nothing. Nothing is possible. Everything is possible. Ok, ben en tout cas, moi je vous dis, je sais pas trop quoi il y a de l'air, mais moi je pense que je pourrais y aller. Moi je vous dis les gars, restez pas loin en arrière, mais moi je pense que je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire. Je vais aller le charmer. Est-ce là, que... Fait que Philippe va y aller. Charm. Philippe va aller charm. Est-ce que vous autres, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous cachez? Vous restez visible? Vous... Moi, je reste visible. Tu restes visible. Toi, tu te bats. Tu es comme son bodyguard. Ouais. Toi, tu marches, tu s'en vas. Tu y vas comme avec. Comme Philippe va se faire crush, non. Toi, tu vas avec, dans le fond. T'es genre, t'es à découvert, t'es genre derrière. Ouais. T'es comme. Ouais. Moi, je dis Braxton, va avec lui, puis fais la même chose que lui. Puis Braxton est comme, yeah, boss! Puis il va. Il va, sucker. Moi je vais sneak. Ça c'est. Braxton il est genre unaffected by everything. Il est juste comme. Deux réussites. Deux réussites. You sneak, you can get up close. You don't. You see a shape. Like in a cloak, in clothes, in old rags, but you don't see anything more. But you're close. Il est dans t'es assez proche pour intervenir s'il faut. Il est dans le courtyard d'une maison, right? Ouais, genre dans le backyard. Je peux fouiller genre, dans la maison. Il fait genre un feu de camp, genre dans la piscine creusée, qu'il y a plus d'eau là. Tu fouilles dans la maison. Sure, je vais prendre un either notice or comprehend or. Je vais faire comprehend. Comprehend, ok, vas-y. Notice. C'est un skill. C'est scout, excuse-moi. Je vais prendre des jeux. Oui. Je me demandais juste en fait. C'est notice spot. Spot hidden. Ok, fait comprehend. On est un. Un. in the place where the ancient used to feast and make the food of rejuvenation, whatever, that made them young. You find this boxy thing on the counter. It's mint condition. It has this thing that clamps on and off, and this tentacle like cord to it. Oh no. That's what you find. Of your phone. Ouais. Nice. Si tu veux le prendre, c'est. Ça pèse 0.5. Okay. If you want to carry it. Okay. Puis identifie-le comme étant scrap 1 sur ton. Ok. Ta feuille. T'as juste ça, pis t'es comme. Yes! I found the phone. I think I found something. T'as juste un succès? Ouais. Ok. Alright. So, Felipe. Yes, comes to the backyard. Mm-hmm. This person is cooking some sort of rodent-like animal on a fire. He or she is short and stocky, dressed in a bizarre outfit made of scrap of all shapes and sizes. Mm. He looks a little jittery, a little spasty. Just gonna he comes the spasm. Okay. And he turns to look at you and he says, "Oh, hello. I have been waiting very long for you. Oh, yes. I am glad you are here." And then he looks you in the eye and says, I am glad you are here, Felipe. Oh, mais tu sais mon nom déjà, c'est très bien. Comme si rien n'était là. Zéro perturbé. Non, en fait, il est super paniqué, mais genre, c'est ok. Il est super paniqué, mais il est comme je me mets en mode genre. C'est très bien. Très bien. Qu'est-ce que vous attendiez de moi, monsieur? You should come and sit by the fire. We will see the future in the embers. Que son œil fait genre. Oh my god. Eh, mais monsieur, je veux te dire d'abord que t'as vraiment un très beau manteau. Comment tu l'as trouvé? Comment tu vas ton manteau? Vu qu'il n'y a pas l'air hostile, je vais juste me rapprocher l'air comme pas. Ouais, t'es close enough que si tu veux faire genre. Puis casser son cou, t'es assez proche. Ou je veux voir les embers. The garden of flame. Fake. So Marl approaches the fire and Felipe is there. And the person who looks like a mutant, he's humanoid. He's playing in the embers with a stick. With a stick that has tape on it. And the stick is kind of formed like this. he goes in the embers and he's moving him around. And then Marl is looking at him, looking at the stick, looking at him, looking at the stick, looking at the embers. And then he rolls comprehend. C'est vraiment pas bien choisi la personne pour comprehend. You see fire and embers with the stick. J'ai un dé, mais est-ce qu'on peut jamais genre wits, tu sais, là? Non. Ok, Braxton. Ok, c'est... Il fait rien, Braxton, il est là. He's il est like, juste là. Il est juste content. Ok, mais qu'est-ce que tu essaies de me dire avec ça? Je parle vraiment comme italien. Sit with me by the fire. We can hear the spirits. Est-ce que tu veux t'asseoir avec that person? Mais quand on dit m'asseoir, à quel point proche? Juste là. Sur ses genoux. Faut-tu absolument que je sois si proche que ça? Ouais. Ok. Tu peux essayer de le manipuler. To like, yeah, I'll sit, but there. Oh ouais. Ouais, vas-y. Sinon, j'ai dit de faire un petit motion aussi, là, mais on sait pas. Ah, vas-y, hein. Allez, juste le lancer. 4, 1. Ah oui, c'est de celui-là, c'est vrai, je voulais le demander tantôt, puis j'étais trop emporté dans ce truc. Alors, manipulate, hein? Ouais. C'est une balle dans le verre. Tabarnak, cold. Rien partout. Really, here is the base. It's the best place to understand. Peer into the flames. Ok. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je regarde. Je regarde Loïc, Puis je suis comme... Ah, je vais m'asseoir à côté de lui, là, hein? Là, comme, il sort tout, puis comme... Non, je suis juste comme... Ouais. Je m'assois à côté de toi, là. Tu veux-tu me faire un comprehend? Ok. J'ai comprehend, fait que je suis vite. Je suis vite. Je suis vite, alors. Old Miyazaki. 2-1. Oh, je comprends. Est-ce que tu veux push? Non. You look into the flames and you see nothing but fire as he pokes around. You come to the conclusion that whoever this probably mutant is, he's crazy. Probably out of his fucking mind. C'est ça qu'on a trouvé un sage. And all the seer of the way. He says. C'est peut-être ça, mais il était vraiment fou. Exact. Mais en fait, c'est peut-être ça, c'est juste parce que nous autres, on est trop poches pour comprendre quoi que ce soit. I know what you seek. You seek the life essence for your people, don't you? The life essence? C'est quoi ça, I have seen many things in the stars and in the fire and in the ground and in the water. He means water. I know. He's talking riddles. I have seen what has come to pass and what will be and what might be. Many things are, many things aren't. Some can be, some should be, but not everything is. Oui, oui, je sais, c'est comme ça tout le temps, là, hein? C'est ta raison, c'est des grandes, vérités de la vie, là. Les grandes vérités de la vie, mais qu'est-ce que tu veux vraiment, là? Qu'est-ce que tu veux de moi? I don't want nothing, I need nothing. What I need, I have. What I need, I will have. Je joue de la flûte pendant qu'il dit. Ok, guys, on s'en va, là. Ok, moi je suis de ça. Anything else you guys want to do? Peux-tu aller peer into the flames? You have some food? Non. Ok, ben j'ai joué de la flûte à côté des flames. Fait que, est-ce que vous voulez set up camp là avec... Avec le old man. Avec the old guy by the fire? Mais on sait même pas comme qu'est-ce qu'il veut. Je fais full confiance, je sais pas pourquoi. Moi, j'irais ailleurs. Tu ferais juste comme traverser la rue, aller l'autre bord. Ouais, c'est ça, regarde. Je veux juste être poli. Donc, j'arrive à ma place, à ta place, tout est chill. Mais tu sais, genre, on est juste venu dire bonjour, comme on sait que t'es là, genre, on se parle un peu. New c'est neighbor, pour... c'est ça. Tu vas lui apporter une lasagne, ouais. Puis. On est là pour une journée à peine. Alright, c'est comme vous voulez. J'aurais bien chillé avec Miyazaki. Mais toi, vas-y, j'ai un pied. Moi, j'irai. Alright. J'ai chillé avec Miyazaki, voir si je peux catch du old okay. Knowledge. Fait que vous allez comme setter votre campement là jusqu'au lendemain matin? C'est ouais. Ça votre plan? Yeah. Ouais? Fait qu'il faut qu'on okay. Mange un. Faut qu'on mange pendant un fait à la première lueur de la rose. Donc, Max Cousteau va passer la nuit avec the man by the campfire. The strange old man. The stranger by the campfire. Is it old? It's an old suit. Maybe. I am young, but I am yet, I am old. Politicum, fuck you, old man. Can you just tell me your age? Dans ce cas-là, je vais te demander un comprehend. Okay. Mais... Si tu fais ça, tu dors understand pas. That life has no je dors pas cette you journée-là. You spend the entire night. You spend the... T'sais, faut que tu dormes okay. Au moins 4 heures. Oh, il y a comme un spooky pipe, ouais. Puis on la... On ouais, la oui, oui, exactement. Ok. Puis, oh, c'est the coyote trip. C'est quoi? Oh, c'est le coyote trip. Oh, juste à cause de ça, je vais te donner plus 2 days de gear. Fais ça du coyote. Oh man, ça me rappelle Chief. Apache Chief. Il faisait des... Parce que c'est mon personnage dans Laundry, quand il faisait des investigations... Non, c'est pas Laundry, c'est dans Feng Shui. Feng Shui. Quand on faisait des investigations, il allait pas checker les clues, il allait genre commune with the spirits, puis il faisait du peyote. Puis c'est comme ça qu'il collectait ses clues pour les investigations. Mais moi, ce que j'adore, c'était le fait qu'on était comme « Ah, puis là, je fais genre un spiritual voyage. » Puis on avait, ouais. Tout, on avait tout décrit le voyage avec les esprits. Puis il y avait comme un jump cut, puis il était genre comme en bobette. En bobette, puis genre... J'ai un de vomi. J'ai un tomahawk, genre, je suis couvert de vomi en bobette, genre. Genre, c'était toutes des hallucinations. C'est très drôle. J'aime tellement bien ce truc-là. Fait c'est... Comprehend. Puis avec plus 2 pour avec le coyote. Pour le fait que tu get high. Okay. Oh, j'en ai un au moins. Parfait. As you sit by the campfire, you're blowing smoke out of the pipe. You're not quite sure what you're smoking, but at some point, you see something And then it's there, and then it isn't. And it looks like a giant bird. There's this stick, this tower in the sky. And you're going towards it. But then this fiery, this giant phoenix-like fiery bird comes down screeching at you. And it kind of sounds like Marl. And it comes towards you, screeching and bawling and going at your eyes. And then you wake up and you're by the campfire. And you have no eye. And I got no bullets no more. And you got no pants. I lost my bullets. Tu te réveilles là? T'es and you feel the elder behind you. Donc. Est-ce que l'elder a disparu? No, he's like in a bus. He's sleeping. He's sleeping. Just an old oboe. Fait que dans le fond, c'est que. He's not mystical, guys. Tout le monde, dans le fond, si vous avez un dommage de fatigue. Confusion pour le sommeil? Ça c'est confusion, pardon. Ouais, merci. Un dommage de... Y'a-t-il quelqu'un qui a du confusion? Mm-hmm. Oui. Si vous avez un confusion, vous pouvez heal un, maintenant. J'ai de la fatigue et du damage, par contre. Tout le monde doit dépenser un grub, un water, maintenant. Moi, je mange une autre de mes rations. C'est ça que j'allais dire. Si vous voulez heal du damage, c'est un grub par damage. Oh. Si vous voulez heal du fatigue, c'est un water par damage. Mais je peux genre binge eat, genre? Ouais. On a combien de bouffe, là? Le reste? Ce que t'as avec toi, là. Non, mais ensemble, là. Puis Levic. Moi, j'ai encore trois. Vu que Cousteau a pas dormi de la nuit, tu prends un damage de fatigue. Ok. Que tu peux healer avec de l'eau. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai à 2-2. C'est ton fait. Ah, c'est pour shit! Tu fais un festin. Max, tu t'en as combien? Grub. Moi, j'ai 3 de grub. Parce que si je prends un de grub maintenant pour me heal, là, j'en ai plus. Fait que vous que je vous en prenne un. Ouais, t'en as plus. Ah, t'as pas amené tout ton stack. Mais j'avais pas de place. J'ai 2 le strength. De... T'aurais dû demander à quelqu'un de traîner de la bouffe pour toi. Mais non, mais. Ouais. Mais c'est ça, c'est juste que. It's done! Comme ça. Clos. Hein? Yeah. Non, excuse. Fait que je heal de 3. Ah, mais là. 2. Ben, moi, il me reste 3 grubs, là. Je m'attends à ce que ça reste encore au moins genre 2 journées. Il me reste juste un grub pis 2 water. Sauf que c'est fine, je peux, j'ai pas besoin de grub. Tout le monde était comme, we're fine, we got enough food. Pis ça fait genre une journée pis comme, oh my god, we got no more food! Non, non, on a encore de la bouffe là. On est correct. C'est juste que, c'est ça, c'est que dans le fond, c'est que je me demande, est-ce que je suis mieux de dépenser mon grub tout parce que sinon j'ai juste un dé de strength point genre. Il y a aussi ça. Non, mais moi, je vais dépenser un drop. Heal, un là! Ouais. Comment ça marche? Heal, c'est un skill qu'il faut que tu rolls. Mais est-ce que c'est genre pour des injuries critiques seulement? Est-ce que là, ce que je peux essayer de la heal? Puis genre, finalement, mettre mes 2 doigts dans ses yeux puis être comme, oups! Oui. Ok. Heal, ça marche juste pour la fatigue. Ok. En fait, excuse-moi, ça marche juste pour la. Oui, c'est pour la fatigue puis le damage uniquement. Puis, that's it. It's one and done. Fait que une fois que tu le fais, tu peux pas leur reroll. Tu sais, mettons que elle avait 3, tu heal 1, tu peux pas reroll pour essayer de heal encore. C'est juste... Non, mais est-ce que tu peux force l'initial là? Tu pourrais le push, oui. Alright. Do you want some healing? Armadillo, giant armadillo, building mask. Do you want some healing? Avec les petits doigts fins, puis les petits yeux qui vont juste capter. Ben, je veux bien, Là, je pense au fait que genre, je t'ai pas healé tantôt. C'est rare, t'as fuck over! Mais j'ai pas fuck over, j'étais là. En fait, je me suis fuck over parce que les autres ont demandé plus. Parce que lui, il a demandé d'eau pis de l'eau pis je pensais pas tous les deux que si il prenait de l'eau, il prenait pas yeah, de sure. l'eau, tu sais. Ça va prendre du temps d'eau, man. Oh, you know. So, yes? Ben oui, moi je veux dire. What? What? Bah, je peux faire tes bottes. Non. Whoops, whoops. Tu donnes une tap dans le dos. T'es comme, alright. There, bon, there. Ben, bon, mais je dépense mon grub pour pouvoir m'enlever mon damage. Hein? Là, admettons, est-ce que je peux essayer de me healer? Mais genre, j'ai déjà mangé. Non. Puis, heal, peux-tu le faire sur toi ou tu te l'as donné déjà? Je te l'avais pas donné déjà? Non, tu m'avais rien donné. Okay. Je laisse juste donner ton régulier. Braxton, il est encore. Oh, Winnie le fou. Non, Braxton, il est comme ton chien, t'as pas besoin de t'en occuper tant que ça. Là. You just have to kill him before you come back. Non. Il est juste à pas revenir. Yeah, c'est ça, just get rid of him. Fait que pendant, hey Braxton, come to my place when we're done. Drop all the stuff you carry for us. Fait que pendant la nuit, pendant que vous faites votre campement, vous vous installez, il y a quelqu'un qui monte la garde, whatever, tu sais, vous faites juste dormir une couple d'heures. Le chien, comment il feel, le old man? Je sais que je lâche pas, là. Il est fine. He has no opinions. Mon chien, c'est pas un sense motive chien. C'est un fight dog. Un fight dog. Parce que non mais, you know, that's a dog power! Fait que t'sais, pendant la nuit, genre, Braxton il est assis, pis là, genre, comme, ton dog il vient, pis comme, il se couche un petit peu à côté, pis genre, t'sais, il s'entend bien avec Braxton, pis là, Braxton il est comme, ah, it's gonna be so great when we get those filters, like, we'll come back to the Ark, and everyone's gonna be happy and fed, then I'll see my wife who loves me, Braxton's a good guy. I'm a super nice person, and if anything happens to me, like, people will be very angry. Mais il dit pas ça à toi directement, genre il parle à Philippe. Parce qu'il trosse pas Philippe. Il est tellement good que là j'ai un peu de le tuer. T'sais, pis il y a comme. En même temps qu'il parle, il y a genre un petit halo entre sa tête. Ouais. Yeah. Ok, let's go. Il commence à parler. Ok, let's go. Family. Ah, je comprends, y'a pas de problème. C'est vrai que t'es un bon gars, man. C'est vrai que t'es bon. C'est vrai que t'es. Alright. Tu vas t'ouvrir genre un magasin de carpets. Genre, le premier magasin Carpets dans l'apocalypse. You're dying of thirst, you're dying of hunger, how about a carpet? T'en as besoin, donne-moi tes jetons, donne-moi tes bolettes. Donc, prochain secteur, où est-ce qu'on s'en va? Yeah. En diagonale par en haut. Cousteau. Yeah, boy. Fait que diagonale par en haut, know the zone. C'est quoi le location? The location, c'est. 19K. Comment est-ce qu'on bouge? Oh là là! Oh shit! Zéro réussite. T'as-tu des 1? Non. Quand tu push? Yes. Ok. Je comprends. L'affaire, c'est qu'avec tellement de dés, c'est que c'est. Tu peux pogner 10, c'est 1. C'est super dangereux là. C'est ça, genre, c'est toujours comme. Je pogne un heart attack. J'en ai déjà 2. 3. Pour 1, aïe aïe aïe. Juste pour 1, 6. Bah, on sait qu'est-ce qu'il y a, I guess. Alright. Mais là, le problème, c'est que surtout ce prochain spell. Je suis fatigué, là. You walk for many hours. C'est quand tu bois de l'eau que tu regènes du. Ouais. Ok, je bois de l'eau. You walk for many hours and you come upon this. A trail that leads you into the woods, except all the trees are all the trees are dead. Nothing is growing. Well, things are growing on the ground, but the trees, it's like it's everything grows up to like a few feet off the ground, like maybe 4 or 5, and then there's nothing. It's like a giant lawnmower just came and just cut everything at the same height. Oh, shit. And that's it. No. Okay, good. It's very peaceful. It's very calm. There's. Ouais. C'est parce que toutes les affaires vivantes sont faites tuer ou manger là, dans quelque chose. And as you're walking, you can see these footsteps in the mud, leading towards, well, probably your destination, but they lead in the same direction you're going. Many footsteps. Jesus. Fake. First mutant. C'est ça, t'as pas le droit de dire Jesus, faut que tu dises First Mutant. First Mutant, ouais. Oh, ben ça serait Braxton. First H Mutant. C'est Braxton. Ben oui. Hein? C'est Braxton. Le First Mutant. Il est tellement good, tout le kid. Puis l'autre, il voulait le pin sur la cross. L'autre dude, le pauvre. Fait que, what now? It's the one crew. You guys are in the middle of a cut wood, basically. Okay. Guys, it's a cut wood. Moi, je suis concentré vite. Bon, j'ai pas de réussite, fait que je peux pas. C'est ça, c'est 4 heures. On doit passer au travail. Mais ma réussite me donne un salvage eye. There's nothing. It's you're in the middle of the fucking woods. You're sure there's nothing. There's you nothing. Know there's nothing. Okay. There's nothing here. On devrait-tu move on? Quand tu dis move on, tu veux dire comme aller, tu veux dire aller dans une autre place? Aller au pied. Ouais, ouais. Yeah. Ouais, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire là. Moi, je veux pas aller là, je veux pas rester là pour chercher là. Je me demande s'il faut marcher en bas du niveau de la coupure, comme si c'était genre Resident Evil. En bas du niveau de la coupure. Vous choisissez où est-ce que vous allez? À cause du laser dans Resident Evil, genre, qui passe. tu marches en bas de la coupure, genre, c'est à un moment donné, il y a de quoi qui arrive et qui coupe tout. Mais tu sais, quand je dis que c'est coupé, c'est comme, mettons, on va dire à 9 ou 10 pieds de hauteur. Ok, mais c'est coupé tout à la même hauteur, ouais, exact. C'est comme s'il y avait une forêt, puis t'avais genre pris genre un clipper, un gigantesque clipper, puis t'avais passé dessus. Ok, c'est en haut, mais je pensais, de la façon que tu l'as décrit, je pensais que tu voulais dire que c'était tout rasé en dessous, mais qu'il restait le feuillage en haut. Ok, ben oui, on reste. Okay, c'est bon. That's it, you're just going through? Ouais. Alright, perfect. C'est quoi le prochain secteur? And then! And then there was a P. Le P. The main objective. Coming. Oh! So you get there. Est-ce que je find the path pour ça aussi? Non, c'est pas nécessaire. Ok, perfect. On sait ce qu'il y a. You get there, you get to your destination, you get to the pure plant. In the distance, you can see huge tanks and thick rusty pipes rising out of the wasteland. In the middle is a tall concrete tower, still standing after decades of decay. Yeah, so you get there, it looks like this. Je vais sur l'avant l'image, il me semble. Oui! Okay, là, tiens, passant pour l'avant. That's what the pure plan looks like. Oh, nice. C'est comme une île qui est entourée d'eau. Entre la berge puis l'île, c'est à peu près peut-être 100-150 pieds de distance. Ok. Comme, you could probably swim it easily. Hmm. Jusqu'au niveau où est-ce que l'eau commence, it's tall grass, so if you're crouching it, no one can see you. C'est comme il y a genre des quenouilles puis tout, ça fait c'est assez marécageux. And in the distance, you can see that the pure plant, sometimes you can kind of catch movements, like there might be some people in the buildings or something. Okay. And there's on the... Sur le dessus de l'eau, t'as l'île, t'as l'eau alentour. About maybe that high off the water, it's just covered with mist. Fait que toute l'eau est comme couverte avec genre du brouillard, yes. Qui est pas très haut. Je ne mange pas là-dedans. Come on, Dane. Oh my god, water! Come on, just do a powerbomb! Le roi des bigs juste en train de se mettre le dessus. Donc, si on se rappelle ce qu'on savait, Kara a dit à Merle que there were zone ghouls at the pure plant. Not any kind of ghouls. You know that the expedition came here, probably. They were heading for here. Et est-ce que quelqu'un a envie... En fait, that's what there is to it. Yeah. That's it. Est-ce que quelqu'un a envie de quoi? Nothing. No. I just did. Je me suis juste arrêté de parler. Okay. I scout. Comme tu veux. Est-ce que tu veux checker de quoi? Tu veux-tu... Hein? Ouais, you're at your destination. Y a-tu une embarcation proche? Oui, yes. C'est en fait ça que je voulais scout. Tu veux scout? You're gonna scout for like a way across? Yes. Ok, ouais, vas-y. T'en vas-tu ton Doug pour scout? C'est bon ton Doug scout? C'est pas mal moi parce que je s'en reviendrai pas mal au même. Ok. Shit. tombes de fuck là. Tu me pushes? Oh! Alright. Fait que t'as une brillante idée. T'es sur le bord de l'eau. Puis là, tu prends une roche. Puis t'as pitch dans l'eau. Puis tu réalises que le lac fait à peu près 2 pieds et demi de profond. You could just walk across the water. Mais y'a pas d'embarcation, y'a pas de quai, y'a pas de pont. Après avoir pitché la roche dans l'eau. You don't have to swim, c'est genre, c'est comme ça de creux là. Mais après avoir pitché la roche dans l'eau, est-ce qu'il y a l'air d'avoir du mouvement dans l'eau? Absolument pas, non. Absolument pas, non. Est-ce que moi je peux faire aussi un scan pour voir si je vois quelque chose, si je vois du monde, ça, si je vois genre, tu sais, si je sense un threat ou Mais qu'est-ce que tu regardes pour quoi? Tu regardes pour du threat? Tu regardes pour... Je regarde pour du mouvement. Ok. Je regarde pour du mouvement. Fait que c'est scout. Oui. On peut pas faire un mot de zone... Ça sera pas. Threat zombie ghoul, là. Zombie ghoul, ouais, c'est. Mais dans le fond, vous savez déjà que les ghouls, ils ont peur de la lumière, ils ont peur du soleil. You guys are in broad daylight right now. Je comprends rien! T'as rien vu? Fait que le moment, c'est ce là. Maintenant pour Cousteau. Ouais. As Cousteau is looking across the water. Avec mes jumelles. He looks with his binoculars. His crap binoculars. Tu sais, qui ont comme les deux verres sont pas la même grosseur. C'est super weird. Il y en a un, c'est genre que je vois plus près, genre que je regarde là. Useless eye. L'autre, je vois moins. He's looking across the water and he sees this huge tower. And then he remembers the peyote dream. Oh, with the tower. With the eagle. And the giant bird that came and to peck his eyes. Yeah, the tower. The giant tower. Okay. Mm-hmm. This giant tower. I'm pointing at it with my finger. Je pointe vers la tower. Je pointe vers la tower. Don't go near this tower, guys! The scout, t'as des binoculars, right, je pense? Yeah. Alright, go ahead, okay. Roll it. Fait que scout, c'est wisdom, fait que plus wits, fait que 4, 1, 2, 3. C'est wisdom. 4 plus 0. Il commence à rouler toute une poche, là. You know that something is up. You just don't Something know what. Don't go near the tower, guys. Ok. The eagles. C'est quoi qu'on a vu? Mais ben, je peux te voir. C'est ça, c'est comme la map là. Ouais. Il faut qu'on cherche. Oui, puis mais tu donnes un peu de peyote que je pourrais faire live. On est avant ça là. Ouais. Une autre chose que Carol avait mentionné, c'est qu'il y avait des once you're on the island, there are tunnels. Okay. You know there are tunnels, you know there are ghouls. And that's pretty much it. So on the tunnels, yeah. Ouais, mais le bird est en haut aussi. Fait que probablement qu'il y a yeah, genre... Watch out for the tower, guys. Fait it's just sound like the old area. Est-ce qu'on préfère aller avec les you ghouls? You smoked the same shit, didn't you? Est-ce qu'on préfère aller avec les ghouls ou avec l'oiseau? Qu'est-ce que tu peux passer par l'oiseau pour aller aux ghouls? Tu penses? Ben, ils sont sur la même île. Ouais, mais c'est parce que les monstres, parce que... Ghouls and birds. Fait que la tower est plus dans notre face en ce moment. En fait, on va sûrement pas d'accès au tunnel en ce moment. On a-tu une embarcation, first? Non. Non. Unless you want to make one. Il y a 2 pieds d'eau en même temps. Ouais, c'est ça. Il y a comme deux. Moi, je suis en l'air. Tant que comme le fait qu'il y a du brouillard, que ça soit pas creux, c'est pire. Make ouais. me un mec. Genre, tu sais pas dans quoi tu vas tomber, là, peut-être. Mm-hmm. Ben, c'est pas parce que c'est pas creux, là, que ça va pas être creux à quelque part à m'amener, là. Aussi, là. Je sais pas, je sais même. Si je fais que ce brouillard, je vois-tu du mouvement dans le brouillard? You don't think so. Ok. Let's go, guys! Fait que, est-ce qu'on y va avec Sneaky ou genre Sneaky? Ou... Non, en fait, faut que je parte. Ah ouais? Ouais. Ah! Ben, en fait, non, j'aurais dit c'est un bon. on peut arrêter la game là, on est juste, on est parce un super bon genre. Comme... Mais, ouais, en tout cas, c'est rare comme vous voulez, moi ça ne marche pas si vous continuez là. C'est un perfect cut-off. Moi je trouve que c'est un perfect cut-off. Surtout que c'est comme un bout tout ce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire le genre le after game. T'as-tu 5 minutes genre? Oh okay. Ouais, moi je suis pas là. On va faire le after game suite. Tout le monde prenez vos character sheets. Ok. Avez-vous comme noté ce qui vous reste premièrement, genre de bullets, de food, de tout ça? Mais genre ce qui est à la maison, mais... genre? Ben en tout. En tout? En tout, ce que vous avez dans votre stash, mm-hmm. à la maison, puis ce que vous avez avec vous. Avec le stash, on l'écrit genre un petit peu plus bas. Arthur, Arthur, t'as fait de l'autre côté, je pense que t'as dit. Écrit My Den. My Den. Ouais. Ah, on est comme. C'est parfait. On est comme s'il faut arrêter, je trouve que maintenant c'est un moment parfait. C'est genre. En fait, c'est pas d'habitude, je travaille moins tôt, mais demain, je travaille plus tôt. Fait que... c'est comme dans Stalker, justement, là, comme avant la deuxième partie, là, juste avant qu'il arrive. Ok, on y va! Puis finalement, il arrive, puis on parcourt le chemin. Fait que. 3 rations. Trois rations, 3 balles, 3 euros. Genre que tout le monde a full de mutation point. Mutation point. Ben c'est pas un gear là, mais... C'est pas mutation point, il y a une place pour ça. Créant une mutation. Alright. False creech. En fait, je connais pas assez l'armadillon pour pouvoir m'y imiter l'armadillon. Puis je vois plus justement genre eux qui a toujours son Wilding Mask, mais effectivement quand il l'enlève, il est un peu juste comme genre. Il est tout petits yeux là. Mmh. I don't see much but the sun. The sun is too much. C'est pour ça que t'as le Wilder's Mask. C'est ça. Yes, c'est trop clair. C'est tellement mieux de même. Ton stack est casse-pied, c'est juste un des plus grands. Fait que maintenant, on va distribuer le XP tout de suite. Est-ce que vous avez participé à la session? Oui, tout le monde fait un d'XP. Est-ce que vous avez fait un day's work pour un project? Oui. Oui, ça fait tout le monde fait un autre XP pour ça. Have you explored at least one new sector of the zone? Ouais. Oui. Tout le monde? Ouais, tout le monde dans la magasin, c'est moi ça. Yeah. Did you sacrifice or risk something for your player character buddy? Nope. Y a-t-il quelqu'un? Il me semble que oui. C'est quoi? C'est quoi ton make your case? Ah shit, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Mais je vais qui ton fait. Buddy? J'ai tellement mal choisi mon buddy. Ah. Qu'est-ce que t'as fait ton... Qu'est-ce que t'as fait pour moi? Y a personne qui s'en rappelle. Elle lui a donné... deux dos. Ouais, c'est ça, c'est non. Ça. Tu l'as acheté pour qu'il vienne bully quelqu'un d'autre. T'as pas fait, t'as pas. Hey, négocié. T'as pas sacrifice quelque chose. Elle lui a donné plus. T'as pas sacrifice quelque chose. Shit. Did you sacrifice or risk something for the NPC you want to keep safe? Yes. Ouais. Ouais? Ouais, donc j'ai ouais. Oui. Tout c'est vrai, oui, toi, oui. Pas vraiment, non. Ben, moi, j'ai protégé donné de la pluie. Ouais, t'as pas vraiment rien risqué. Moi, j'ai donné de l'eau. Ça. Oui, c'est vrai. Toi, c'est vrai. Toi, tu as purement donné quelque chose. J'ai gagné du beef pour protéger mes plantes. Non, pas moi, tu vois. J'ai no one. Chien. Ah, imprécis, c'est chien. C'est vrai, parce que t'as... Oui, c'est vrai, parce que t'as pénalisé quelqu'un d'autre. Ouais. Fait que ça, je te le donne. C'est bon. Yeah. T'as littéralement été un asshole gratuitement. C'est bon, parce que je pensais que fait que c'est bon de se rappeler qu'est-ce qu'on a fait oui. Aussi pour nous. Parce que là, je l'ai mais fait, je dirais, j'ai pensé... Quand, si, sans, j'ai quand vous faites quoi, quelque mais... chose dans une game qui a rapport à quelque chose comme ça, t'sais, prenez une petite note sur votre feuille ou whatever. Did you sacrifice or risk something to mess with the NPC you hate? Non, j'ai pas fait. Ouais, moi, c'est fait? Mélix. Ah, c'est vrai? You literally kicked ouais, his ass. OK, nice, parfait. And did you sacrifice or risk something to reach your big dream? Nope. Not yet. Non, mais, tu sais, Non. Je vais te laisser en juger parce que c'est vraiment argumentable. Non, je pense pas. Alright, fait que ça c'est le nombre de points que vous avez fait, notez-le quelque part, c'est votre XP. Ben, c'est pas mal qu'il y a comme des. Il y a comme, mettons, 5 cases, puis là il y a 5 cases qui sont noires. Tu sais, t'as déjà 5 points d'expérience? Ouais. Nice, tu peux déjà level up. Tu peux déjà level up. Ah ouais. Level up des attributs ou. Tu peux level up des. À ma connaissance, c'est des skills où tu peux t'acheter un talent. Ok. Tu vas après devenir un zone cook, là, tu peux genre cook la food dans zone. Comme ça, elle aurait plus de rot. Ouais. Ok, ça enlève le rot? Ouais. Tu as les pots and pans pour les futiles. Tu vas devenir un chef. T'es un fixeur, tu pourrais genre ouvrir un restaurant dans le. Je te dis, il va me faire des balles, man. Ça serait malade. Tu vois le gars rentrer avec genre des caisses de marge. Un talent ou genre un point en un skill. He won't be sick. He won't be sick. Parce qu'en même temps, je fais que comprehend pis know the zone, j'ai rien pis c'est vraiment pratique. Mais j'avoue que cool, cooking, c'est pas. Mais tu fallait pas tout suite au préalable. On ira après. Fait que, ouais, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Questions, comments, suggestions, y'a-tu quoi que. Insulte! Fuck you! Ouais, c'est ça. on va faire ça. We're gonna do MVPs. MVP, ok. Chlo, c'est. Bon, toi, c'est qui tu trouves qui a fait quelque chose. C'est quoi un des moments mémorables pour la game? Un affaire que quelqu'un a dit, quelqu'un a fait que t'as trouvé nice. Y'a-tu quelque chose en particulier? Oui, mais c'était plus comme des jokes qui se faisaient. C'est la première game. C'était plus ça, mais attends, j'essaie de voir. Y'a-tu quelqu'un que, in character, y'a quelque chose que. Comme, mais... personnellement, moi je donne un point bonus à Marl juste pour avoir fucking juste comme. Moi je protège le monde après avoir beat un gars jusqu'à temps que tu passes. Jusqu'à temps que toi-même tu passes out, là. Oui, c'est ça. Mais moi j'aurais pu te donner presque un point à lever parce qu'il est vraiment juste comme. Mon salarié! Moi, c'est ça, je vais plus donner un point à lever. Moi, je vais plus donner un point à lever parce qu'il a pris le toit, il a brûlé quelqu'un d'autre pour son salarié. Ok, fait 2 XP plus pour le Vic, 1 pour Marl. Mais. Y a-tu quelqu'un en particulier? Y a-tu quelque chose? Mais c'est ça, mais moi, justement, cette affaire-là avec la. L'aile, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ta quote après quand t'as dit genre. C'est comme, ah ouais, t'es un héros. Puis là, t'es comme, oh mon dieu, c'était intense. J'aurais jamais dû. Battre ce gars! Tout encore date, c'était comme broken. Fait que Marl et Cousteau font chacun, on va dire 1 XP plus. Sur MVP. C'est bon, parfait.